feed right at you. Bonsoir, c'est Le Vide Relatif avec DDN sur Rage et on va encore une fois essayer d'écouter de tout sans écouter n'importe quoi. Ce soir, je suis d'humeur un peu brutale, alors contrairement à d'habitude, on va attaquer fort tout de suite. Je vous laisse en compagnie de Fuck the Facts pour deux titres un peu surprenants. C'était Fuck the Facts, un groupe canadien, où je sais que ça ne s'entend pas trop, mais c'est une demoiselle qui chante. Ces deux titres étaient extraits d'un split avec deux autres groupes sans aucun intérêt, et je vous donne tout de suite un aperçu de ce que fait Fuck the Facts par ailleurs. La vie est un grand vide. elle a toujours été, elle le sera toujours, un grand vide qui pourrait parfaitement se dérouler sans moi. C'était encore deux titres de Fuck the Facts. Oui, je sais que ça donne un peu une impression de chaos et de bouillonnement, mais il n'y avait bien que deux titres. Deux titres qui étaient extraits de leur split avec Sergeant Slaughter. Enfin, disons qu'on va juste retenir de ce split Fuck the Facts, qui est très bien. Ce qui suit, c'est Optimist Club. C'est un groupe américain qui m'a envoyé une démo il y a quelques semaines. C'est le troisième titre. Je pense que tout ce qui est sur cet album ne serait pas renié ni par The Boredoms ni par Melt Banana. The picture I saw gave me the fear of falling. Thank you. Je ne sais plus trop comment il faut appeler ce genre de choses. Est-ce que c'est du freecore, du chaoscore, ou du jazzcore, ou du n'importe quoi core? Enfin, en tout cas, c'est du core, et c'était drôlement bien, c'était Optimist Club. Et voilà, vous n'avez encore pas noté les références des merveilleux disques que nous avons passés jusque-là. Bon, notez bien, vous avez des excuses. D'abord, je parle très vite. Ensuite, la totalité des disques que nous passons ici, eh ben vous ne pouvez pas les trouver dans le commerce. Et ensuite, je ne vais pas vous donner pendant toute l'émission des références qui commencent par http://www. Voilà, ce serait très très très fastidieux. Alors, à la place, je vous donne un seul mail que vous pouvez contacter pour être inscrit sur la liste de diffusion de l'émission. C'est levidrelatif@rage.fr. C'est toujours Rage 88.3, c'est toujours Le Vide Relatif avec DDN, et en principe, ça n'est pas une émission de métal. Enfin, disons que ça va probablement arrêter d'en être une quand je serai un peu calmé. Je vous présente maintenant Mortuary Hacking Session. C'est du truc core, encore un coup. Et puis c'est très poétique, vous allez voir, c'est sur Vomit Noise Productions. Se calmer un peu maintenant. Et puis on s'en fait quand même un dernier pour la route. C'est Suppository, cet extrait de leur dernier album sur Grind Ethic. Ça s'appelle The Bait. Et puis bah, ça tabasse comme tout ce qu'on a passé avant. Je le sais bien, je ne devrais pas passer de métal dans une émission où on passe autant de choses extraordinaires, expérimentales et artistiques. Bah ouais, mais c'est comme ça, moi j'ai toujours adoré le métal, c'est pas demain que ça va changer. Public et Isor, ils sont comme moi. Ils aiment bien la musique expérimentale, ils aiment bien les choses artistiques, et ils aiment bien aussi un peu de métal. Alors de temps en temps, ils en sortent. C'est ce que nous allons écouter maintenant. C'est autodidacte, ça s'appelle Anthus Steam, c'est lent, c'est lourd, c'est très très bien. We'll be right back. Creed, Red Light Chip. Voilà. Alors maintenant, on est tous un petit peu calmés. C'est maintenant qu'on va écouter des choses plus douces et plus mélodiques. C'est dommage pour ceux qui ont déjà éteint leur poste. C'est pas dommage pour ceux qui sont allés écouter Avril Lavigne sur NRJ. Parce qu'ici, c'est pas le genre de choses qu'on passe. La dernière merveille des télescopes est un album sorti sur Double Agent Recordings au Canada. Je vous propose d'en découvrir le premier titre, qui est un assemblage de plusieurs morceaux, anciens et récents, joués live et enregistrés dans le hall de leur maison, enfin c'est ce qu'ils disent. Le tout rappelle évidemment Vibra Cathedral Orchestra et rappelle aussi le dernier single des télescopes, Winter, qui est sorti sur Hungry Audio en fin d'année dernière et que j'avais vraiment vraiment vraiment adoré. Thank you. Les trois morceaux, c'était Flying, Transmutation et Cabin in the Sky. Et même pour ceux d'entre vous qui sont des fans des télescopes, comme moi, et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup, même pour vous, je ne pense pas que ça soit très facile à reconnaître. Le label des télescopes, c'est Antenna Records. Depuis le temps que je vous le répète, vous devez commencer à le savoir. Ils ont sorti l'année dernière un album de Fuxa, il faut prononcer Fuchsia, m'a-t-on dit, qui a une très jolie pochette en papier calque et qui est composé d'un tas de titres ambiants comme celui qu'on va bientôt écouter. Fuxa ou Fuchsia, enfin vous dites comme vous voulez, est le projet solo de Randall Niemann, un musicien qui a joué avec les Spaceman 3, avec Sonic Boom et qui joue évidemment aussi de temps en temps avec les télescopes. Cet album, c'est un live, encore qu'on ne le croirait pas vraiment à la façon dont il est enregistré, et il est sorti en édition très limitée, quelque chose comme 200 exemplaires. Donc si vous le voulez, vous pouvez toujours essayer de contacter Antenna sur antennarecords.com. Tout ça, ça me rappelait Midwich, un projet d'ambiance synthétique un peu dans ce genre-là, qui officiait sur Fencing Flatworm Recordings, un label anglais qui est mort depuis, encore que Midwich existe encore d'après ce que j'ai entendu, et que je vous en passerai un titre dans pas longtemps. À suivre, c'est DDD, un trio qui utilise de la clarinette basse et des ordinateurs. Thank you. C'était DDD qui montre que même quand c'est pas facile, la musique ça peut être bien quand même. Ne nous leurrons pas, la plupart des démos que je reçois vont directement à la poubelle. Mais par contre, de temps en temps, on reçoit quelque chose d'extraordinaire et on se dit que finalement, bah ça valait bien le coup de se taper toutes les horreurs qui précédaient pour pouvoir découvrir ce qui suit, qui s'appelle Object 4, et le morceau c'est Machine Room. Thank you. Si vous aussi vous voulez envoyer une démo ou un disque, qui iront peut-être à la poubelle, ou qui peut-être passeront à la radio, ou qui peut-être seront chroniqués quelque part, vous pouvez avoir une adresse postale où l'envoyer en écrivant à levidrelatif@rage.fr. Une petite précision cependant, n'envoyez pas de mail avec un lien vers vos merveilles. Parce que si votre musique ne vaut pas le CDR sur lequel elle est gravée, ne vaut pas le prix d'un timbre, ne vaut pas l'encre qui va vous servir à écrire l'adresse sur l'enveloppe, alors je pense qu'elle ne vaut pas la peine d'être écoutée. Merci. Siemers est allemand. Siemers a 40 ans, ou peut-être plus. Ce qui signifie que Siemers a effectivement joué avec des gens de la scène industrielle des années 80. Siemers peint, Siemers écrit, Siemers chante, enfin, des fois. Siemers fait de la musique expérimentale, et c'est ça qu'on va écouter. C'est le 43e titre de son dernier album. Oui, il y a 99 titres sur cet album. Et c'est tout dans ce genre-là. Il n'y a pas que dans le métal qu'on retrouve de la musique un petit peu énervée. Il y a par exemple Toe Cutter, qui est un projet australien de hard techno, enfin j'imagine que c'est comme ça que ça doit s'appeler. Enfin en tout cas, moi j'imagine ça comme un gars avec un sampleur de phrases, quelques disques de pop et un index sur lequel il y a de la super glue et qui est collé sur la fonction roll du sampleur. I'm not gonna run. Quoi, on n'était peut-être pas aussi calmé que ça. Pour se quitter, on écoute la dernière sortie du label Burning Emptiness que vous pouvez retrouver sur www.burningemptiness.com. C'est Body Vehicle, un trio de musique électronique russe, et ça s'appelle Branches Translucent Theater. Je vous rappelle le contact de l'émission, le vide relatif, atrage.fr. C'était DDN. Bien le bonsoir.